Chapitre 4e, le gardien d'hiver des villas. En dépit des appréhensions dont il sourit à son réveil, Delbon passa dans un bon lit la meilleure des nuits possibles. Il fut debout de bon matin. À peine vêtu, il apprécia du balcon de son studio la grâce d'un paysage serein, fort différent, quoique pareil, de celui qu'il avait séduit la veille sous la clarté lunaire. La journée s'annonçait radieuse, ensoleillée, bruissante d'insectes, tout égayée de pépiments, et sans l'assurance contraire d'un calendrier peu galant, on se serait cru en avril. L'écorce des arbres, vernie à neuf, craquait sous un trop-plein de sève. Sur le lac, immense coupe bleue, on évoquait des flottements de nacelles et de gondoles échappées des fêtes galantes. Un embarquement pour Cythère de coquets marqués à perruques, de la manière de la touche, et de folles marquises à paniers et à corsage de dentelles. Très allègre, l'ingénieur appela Bernard, se fit servir aussitôt son petit déjeuner, et dans l'intention espiègle de s'attirer un déluge de proverbes, il donna le branle, tandis qu'il plongeait une tartine beurrée dans le bol de café au lait fumant. « Quand l'appétit va, tout va. » Bernard n'esquiva pas le piège malicieux. « Effectivement, monsieur, il est préférable de se couper une tranche de pain que de se faire couper la tête. » Amusé, Delbon considéra attentivement le domestique et convint avec soi que, sans doute, sa fâcheuse impression de la veille était au moins due, en partie, à la fatigue du voyage. Peut-être même la devait-il à un de ces énervements qui prennent racine dans les tréfonds mystérieux de l'âme, un de ces énervements qui, subis, inexplicables, nous obligent à envisager l'existence sous un jour fâcheux. Certes, le domestique n'avait rien de séduisant ni d'attrayant, mais au jour, s'il ne ralliait pas spontanément la sympathie, du moins, ne soulevait-il plus aucune espèce de répulsion. Et même, dans la pure limpidité de cette chaude lumière d'automne, malgré leurs sourcils broussailleux, ses yeux si hésitants, si vite prêts à se dérober la veille, peut-être par timidité, avaient parfois comme des lueurs affectueuses de bon chien. Très décidé pour le moment à essayer de prendre contact avec le curieux compagnon que lui imposait le destin, Delbon retint le serviteur qui, son office terminé, s'apprêtait à se retirer. « Eh bien, Bernard !» L'autre pivota sur les talons avec une telle promptitude qu'on eût pu croire qu'il allait prendre la position militaire et répéta « Eh bien, monsieur !» Aussitôt, sur un ton quasi amical, la conversation s'engagea et se poursuivit. « Tu connais le pays ? Pour ça, on ne fouille pas dans sa poche sans savoir ce qu'elle contient. On n'habite pas une commune où l'on est venu tout petit sans en examiner l'envers. Je puis donner à monsieur tous les renseignements qu'il désire. C'est parfait. » « Dis-moi donc alors qui l'on peut fréquenter ici à part les joueurs de manie et les piliers de cabaret. »« Faut point trop que monsieur s'attende ici à de belles relations, comme il en avait pour le sûr dans le monde où il fréquentait. »« La commune n'a ni médecin, ni percepteur, ni notaire. »« Le juge de paix est au chef-lieu, il n'y a guère que l'instituteur, ou un jeune homme très comme il faut, qui fait ma foi des poésies. »« Je ne sais pas très bien ce qu'elle valent, mais on en imprime, une fois le temps, dans le messager agricole. »« Il faut donc qu'elle ne soit point mal. » « C'est monsieur le Claude qu'on l'appelle. Il tient l'orgue aussi le dimanche. Oh, il est instruit, il n'y a pas à dire. Mais lui passer, ce n'est pas gras. On ne tire pas du sang d'une pierre, ni un caneton d'un œuf de poule. Et les grands hommes nous manquent ici. Tant qu'aux dames, c'est différent. Il y en a deux bien méritantes dont la maison n'est pas très loin. C'étaient des amis au grand-père à monsieur qui les aimait fort. » Delbon se renfrogna un peu. Il se rappela le testament. « Vraiment ?» « Ah oui, je sais, une madame Leroy et sa nièce. »« Juste, Auguste. Faites excuse, monsieur. Ce sont des dames pieuses et très bonnes. » Delbon pensa. « Je vois d'ici des bigotes, des péronnelles renfrognées, à peau de tambour et à cœur à tatiner, qui se réchauffent à un moine, portent en mitaine et passent le temps à médire de leur prochain. Si je compte sur elles, tant soit peu, pour échanger quelques idées, je risque de troquer des louis d'or contre des médailles de Saint-Benoît. » Il s'enquit pourtant. Elle demeure, disais-tu, à proximité? Non seulement à proximité, mais tout près, ce qu'il y a de près. Du parc de monsieur à leur parc, il n'y a guère qu'un saut de puce. Le mur est mitoyen. De fait, quand monsieur se promènera par là-bas, il aura des chances de rencontrer une de ces dames. Alors ces chances seront nombreuses, car je me promènerai souvent, très souvent, Bernard, faute de mieux. Monsieur ne sera pas trop à plaindre, si l'on croit les touristes d'été. Et les jours de pluie, sans sortir, monsieur trouvera encore assez de quoi se dégourdir les jambes. » Le bonhomme parut rire sous cap. Delbon s'informa. « Que chantes-tu là ? Le parc a beau être très grand, l'averse ne le ménage pas plus que les routes, j'imagine. Monsieur ne comprend pas, monsieur. Le parc, mais on en voit le bout. Tandis que, de ces souterrains de malheur, à bas de fer fiche, ils sont plus longs qu'un jour sans pain. Des souterrains. Eh oui, monsieur. Ah, monsieur ne sait pas, c'est sûr. La maison est bâtie, qu'on dit, sur l'emplacement d'un château fort construit il y a 1000 ans. Il n'en reste pas grand-chose, sur terre, mais dessous. Ah, bon gré. Monsieur, quel vrai paradis pour les rats. Des couloirs ne rencontraient jamais la fin finale du fond. C'est pas que j'y sois pénétré très avant. J'avoue à monsieur que j'ai plutôt un peu peur. Mais monsieur qui a du courage, à ce que j'ai pu voir hier, pourra se distraire un bout de temps, à parcourir, à explorer. C'est pas que ce soit amusant, non, mais n'est-ce pas, faute de grive. Quand monsieur ne saura que faire, il trouvera là à s'occuper. Qu'il n'est point paresseux, dit-on, pousse sa charrue quand on lui me manque. Au fait, apprécia Delbon pour soi-même, l'idée me séduit. Exploration apéritive. Je vais griffonner quelques lignes à ce vieux Jim, et puis, ensuite, je ferai mon petit Thésée dans le dédale du labyrinthe. Peut-être y trouverai-je Ariane. À son défaut, en tous les cas, les fils ne doivent point manquer. Et entraîné par l'expansion qui nous pousse à nous confier à nos amis, il écrivit à Omehara une longue lettre, en lui contant par le détail ce qui lui était arrivé. Il lui témoignait le désir que leur échange épistolaire ne se bornât point, cette fois, à cet unique bavardage, afin d'éviter un silence aussi prolongé que celui qui venait de les séparer. Puis, scellant soigneusement sa lettre, une de ses petites coquetteries, il imprima dans la cire molle le chaton précieux de sa bague, un scarabée porte-bonheur qui venait des fouilles de Memphis. Après quoi il se disposa à remettre le pli à Bernard pour qu'il le portât à la poste. Le simple mouvement de se lever, l'allégresse du soleil aidant, il changea brusquement d'idée, il consulta sa montre. 10 heures. Il avait largement le temps, avant midi, d'aller lui-même faire sa commission au village. Il faisait trop clair, trop gai, pour s'enfoncer dans les ténèbres. Mieux valait aller se promener dans la lumière, sous le ciel. Renonçant donc à la visite des souterrains pour ce jour-là, il s'enquit de la direction et partit gaiement vers le bourg. Chemin faisant, il rejoignit sur la grande route un paysan qui, de ses jambes grêles de faucheux, serrées dans des houseaux de toile, avançait d'un pas saccadé et qui, chose rare chez les rustiques, prit l'initiative d'un dialogue. « Alors comme ça, on se promène, vous voyez. » Delbon, jamais fier, se mit au pas de l'indigène. Puisque l'occasion s'en offrait, peut-être obtiendrait-il par lui, sur le pays, ses habitants, des renseignements complémentaires. Les voyages avaient renforcé son goût de l'investigation et son compagnon paraissait assez disposé à parler. En interrogeant le premier, l'homme autorisait au surplus, et ne les prévoyait-il pas, quelques questions réciproques. Il s'informait d'ailleurs sans gêne. « N'êtes-vous point des fois le parent et l'héritier de Feu de l'Orme ? Ah, c'était un original. Il nous a rudement embêtés, en clôturant ses terres d'un mur. Ça nous oblige à des détours dont on se serait bien passé. Vous avez sur moi l'avantage de me connaître, avoua Delbon, et comiquement cérémonieux, il ajouta. Pourrais-je savoir à qui j'ai l'honneur de parler ? Oh ! Fit le rustre, avec un geste qui voulait signifier sans doute que sa personne n'avait aucune espèce d'importance, même minime. L'ingénieur étudiait son compagnon du coin de l'œil. Il avait, des plus développés, cette mémoire visuelle qui permet de se rappeler les lignes, la couleur et les signes particuliers soit d'un visage, soit d'une contrée entrevue. La physionomie du gaillard se grava donc dans son esprit avec une netteté d'empreinte. Cependant, insignifiante, elle ne s'imposait au souvenir que par la nuance peu commune d'un épiderme gris cendré, pareil, en sa rugosité, à une pelure de pomme de terre. Chafouine, trouille d'yeux verrons, d'une teinte indéfinissable, couronnée d'une perruque roussâtre, cette tête s'apparentait à tant de faces rusées, sournoises, que l'on rencontre dans les campagnes. Plaisantant, Delbon insista. « Vous ne voulez pas me dire votre nom ? Je n'ai pourtant rien à gendarme. » Le bonhomme eut alors soudain une attitude au moins étrange. Tandis que ses épaules, déjà extrêmement étroites, s'effaçaient, comme pour disparaître complètement, sa main se crispa, bête mauvaise, sur le gourdin, dont la lanière s'enroulait autour du poignet. C'était à croire qu'il avait reçu le coup de fouet d'une insulte. Il grogna, rageur. « Des gendarmes, j'en ai pas peur, entendez-vous ? J'ai rien à leur cacher, non plus. Je m'appelle Delphin Graisset. Graisset, Delphin. » Il ajouta d'une voix un peu assourdie et qui, était une illusion, parut à Delbon inquiétante. « Pour vous servir, à notre mieux. » Puis, comme s'il prenait tout à coup une résolution, il coupa. « Nous voilà à l'entrée du village, où que vous vous rendez sans doute. Moi, je prends à droite, vers le lac, où je garde les villas d'hiver. Bien le bonjour. » Et il partit. « Au plaisir de se revoir, » lui cria Delbon, ironique. « Ma parole, » réfléchit-il, « si les naturels du pays sont tous taillés sur ce modèle, la situation sera charmante. J'admets que rien ne me contraint à les fréquenter, mais quand même, je ne les empêcherai sûrement pas de chercher à m'être nuisible, et par tous les moyens encore. Bon, les roses de ma carrière ne furent jamais exemptes d'épines. » Malgré cette constatation philosophique, ses réflexions continuèrent à s'imprégner d'une angoisse indéfinissable. Il s'étonna de cet état d'esprit chez lui fort anormal, mais malgré soi, il ruminait l'attentat de la veille au soir, y voyant un fâcheux présage. Lui, cependant si amoureux des moindres manifestations de la vie, il était distrait à ne pas jeter un regard au forgeron qui martelait le sabot d'un cheval colosse, dont un gamin pygmé frisait la croupe avec un chasse-mouche. L'inévitable folle du bourg, qui montrait le poing à la bande de Boriens en rupture d'école et que ses cris perçants harcelaient, ne l'intéressa qu'une seconde, et c'est à peine s'il remarqua le jeune homme, l'instituteur, qui vint au secours de la vieille et qui dispersa la marmaille en distribuant des punitions. Il jeta sa lettre à la boîte, revint sur ses pas et, toujours très absorbé, longea son mur. Un tumulte joyeux l'arracha soudain à sa méditation et il leva la tête, surpris. Il avait atteint l'endroit même où sa propriété touchait au jardin de l'institution dirigée par Madame Leroy. La clôture n'y était guère haute. Se haussant sur la pointe des pieds, il put voir de l'autre côté. Le spectacle qu'il contempla chassa heureusement les images désagréables qu'avait fait naître la rencontre de Delphin Gresset. Des jeunes filles dansaient une ronde. Elles étaient presque toutes âgées de 14, 15, 16 ans, et les plus endiablées n'étaient certainement pas les cadettes. Comme elles chantaient avec entrain, « Entrez en danse, charmant rosier, entrez en danse, charmant rosier », une nouvelle jeune fille apparut à qui l'on pouvait assigner quelques 17 printemps à peine. Vêtue d'une robe haute troussée et d'un corsage simple, fort saillant, le chignon bas sous la nuque fraîche, on ne savait si son nez fin légèrement retroussé du bout s'évertuait à démentir la tendresse que révélaient, semble-t-il, les beaux yeux bleus, ou si ses yeux, par leur douceur, voulaient signifier au contraire qu'il convenait de ne prêter aucune espèce d'importance à la raillerie des lèvres roses. La troupe juvénile l'entoura d'une farandole échevelée, puis, sans raison, laissa joyeux se dispersa avec des rires et l'aimable personne resta seule. Elle regardait si fixement dans la direction de Delbon que celui-ci, craignant sans doute d'être pris pour un indiscret, faillit se retirer honteux. Il se trompait d'ailleurs. L'œillade, devenue des plus accueillantes, ne s'adressait pas à lui. Elle saluait la venue d'un homme, correct et jeune, qui s'avançait, chapeau bas, d'une démarche alerte. « Où diable ai-je vu cette tête-là ? » se demanda l'ingénieur. Il se souvint. Là, tout à l'heure, dans le village, près de la forge, n'était-ce pas cet inconnu qui avait chassé la marmaille acharnée contre la démente ? Oui, oui, l'instituteur lui-même. Mais quelle que fût sa qualité, l'arrivant semblait en bon terme avec la jeune fille solitaire. Ils se prirent la main, cordialement, en bons camarades familiers. Delbon ne pouvait discerner les paroles qu'ils échangeaient, mais il les vit sourire et rire. Ils s'éloignèrent, en fait, bientôt, et pénétrèrent dans une curieuse petite chapelle médiévale, dont le portail s'ouvrait non loin et dont une double rangée d'arbres paraissait prolonger la nef. Complexité déconcertante de l'âme humaine, Henri Delbon ressentit un pincement au cœur. Éprouvait-il donc un regret d'une de ces deux disparitions ?